vie dans tes bras. Doux, doux, l'amour est doux. Douce est ma vie près de toi. Le ciel qui joue dans tes yeux.